faut regarder la page. Okay? Il faut regarder le texte. Genèse 10. Voici la postérité des fils de Noé. Et là, je vais vous épargner ça, là, mais il y a plein de noms à lire. On est-tu d'accord? On revient à Genèse 37, 2. Voici la postérité de Jacob. Ils sont où les noms? Il y a zéro nom qui sont écrits là. Ce qu'on va voir ici dans le texte 37 à 39, là, c'est la descendance de Jacob, la postérité de Jacob. C'est quoi la postérité de Jacob? C'est 12 frères. Il y en a 11 qui en détestent un. En fait, ils se détestent entre eux. Il y a des cliques dans la famille de Jacob. Puis c'est le caractère de la descendance de Jacob qui nous est présenté versus Joseph. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de nom, là. C'est leur caractère. Ça, c'est le peuple d'Israël. C'est comme ça que le peuple d'Israël va être jusqu'à temps que son Seigneur revienne la prochaine fois pour lui donner la place qu'il a toujours promis de lui donner. Ça va, M. Lachance? D'accord. Mais si je veux y aller avec la descendance, ça, c'est la descendance, la lignée de Abraham jusqu'à Joseph. OK? Abraham, il marie Sarah. C'est sa demi-sœur. Quand ça va être le temps, Isaac va aller chercher une femme, la sœur de Laban, Rebecca. Quand Jacob va chercher une femme, il va retourner là-bas puis il va prendre les filles de Laban. Toujours en même place. Mais Jacob va avoir deux femmes au lieu d'une, parce que celle qu'il préférait, c'est Rachel. Mais c'est Léa que Dieu lui a donné en premier. On peut bien blâmer Laban, là. Mais c'est quand même Dieu qui lui a donné. Hein? Si Jacob avait dit, « OK, bon, ben mes désirs, c'est une chose, mais la volonté de Dieu, c'est une autre chose. » Il serait revenu avec Léa, ça serait fini. Mais non. Fait que, il a continué. Maintenant, Jacob va avoir des enfants de 4 personnes différentes. Les 4 premiers qu'il va avoir, c'est les enfants de Léa. La bénédiction est sur Léa. Jusqu'à Judas. Et Judas, c'est un nom significatif. Judas, hein, il va se tenir à l'écart au chapitre 38. Judas, la tribu de Judas, là, va se démarquer dans l'Exode. Elle va se démarquer tout le temps. Elle se démarque dans 1 roi, 2 rois, 1 Samuel. Pas 1 Samuel. 2 Samuel, ça commence, parce qu'ils vont protéger David. Puis après ça, dans l'histoire d'Israël, Judas est toujours associé au Messie. OK. Ensuite, il va avoir. Ça va être la prochaine, ça va être. Bila, la servante de Rachel. Ensuite, ça va être Zilpa, la servante de Léa. Ensuite, ça va être Léa à nouveau. Puis finalement, va arriver Joseph et Benjamin. Est-ce que vous pensez que les enfants de Léa ne voient pas ce qui se passe avec Jacob par rapport à Rachel, par rapport aux autres? On a déjà vu ça dans les chapitres passés. Fait que, est-ce que c'est l'unité dans cette maison-là? Non, ça ne l'est pas. Mais c'est quand même important de comprendre que Joseph, lui, c'est comme le plus jeune. Okay? On va dire ça comme ça. Là. Il y a Benjamin après, puis c'est intéressant que Benjamin n'est pas le préféré de Jacob. Il y a quelque chose par rapport à Joseph, il y a quelque chose par rapport à Benjamin. Mais Joseph se démarque d'une certaine façon. Tu sais, dans la famille, chez nous, moi, j'étais le plus jeune des garçons. Hein, fait que si mes sœurs étaient ici, témoigneraient que j'étais le préféré. Ça crée certaines jalousies. Hein? Mais j'ai rien fait, moi, pour être le préféré de ma maman. Mais les autres l'ont toutes vu. Okay? Il y a quelque chose de spécial. Mais chez nous, là, dans la maison, là, c'est Ernest. Ernest, là, tout le monde se chicane. Mais Ernest est protégé de tout le monde. C'est intéressant. J'ai pas dit que les autres n'étaient pas aimés. Les autres sont aimés. Les autres chez nous étaient aimés. Mais il faut comprendre cette dynamique-là. OK? Fait que, sans rentrer dans trop de détails, la postérité de Jacob. OK? Au verset 3, Jacob est le plus aimé de son père parmi ses frères. Joseph, excusez-moi. Joseph est le plus aimé de son père parmi ses frères. Ils le haïssent. Le plus aimé ne veut pas dire qui n'aime pas les autres. Ça veut juste dire qu'il y a une relation particulière entre Joseph et Jacob. Et les autres sont jaloux. Ici, il dit qu'ils le haïssent. Au verset 5, il va avoir un songe. Il leur donne le songe. Il reçoit le songe. Est-ce que quand quelqu'un entend quelque chose ou comprend quelque chose de la parole de Dieu, c'est pour le garder pour lui-même, il reçoit un songe. Il le dit à ses frères. Dans le songe, on voit bien qu'il est élevé au-dessus de ses frères. Il partage le songe. Il le haïsse encore plus. Au verset 9, il y a un deuxième songe. Et là, ça l'élève non seulement au-dessus de ses frères, mais aussi au-dessus de ses parents. Et là, Jacob va le chicaner un petit peu, mais Jacob, il réfléchit, parce que lui-même, Dieu lui a parlé à plusieurs occasions, et Dieu va lui parler encore. Mais là, c'est au travers de Joseph. Et là, Jacob va le retenir, le réprimande, mais il retient les choses. Mais ses frères, ils lui portent envie. Ils sont jaloux. Est-ce que ça va? Ils sont jaloux. Et au verset, chapitre 37, au verset 19 et 20, quand ils le voient arriver, est-ce qu'ils voient arriver leur frère Joseph? Non. Ils voient arriver le faiseur de songes. C'est comme ça qu'ils le voient. Hey, ils les énervent. Et là, au verset 18, ils vont comploter pour le faire mourir. Ça, c'est la postérité de Jacob. C'est ça qui nous est décrit. Et ils vont être comme ça, là. Quand on lit, là, c'est intéressant, quand on va lire Exode, on va avancer dans les textes, quand vous lisez l'Ancien Testament, ce que vous voyez, c'est des chicanes entre les frères. Dans Actes 7, il y a référence à quand Étienne va se faire lapider, là, il raconte l'histoire du peuple juif. Il dit, les patriarches étaient jaloux de Joseph. C'est intéressant parce que Jésus, quand il est arrêté, Pilate, il va dire, dans Marc 15 et dans Matthieu 27, il va dire, il savait que c'est par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Pilate est capable de voir que Jésus est condamné injustement. C'est par jalousie, par envie qu'il va être condamné. Pourquoi lui? Pourquoi pas nous? Je reviens au frère de Joseph. Pourquoi lui? Pourquoi pas nous? On sait bien, c'est le fils de Rachel. Vous me suivez? Jacques 1, juste aller le voir, Jacques 1, on l'a lu ce matin, en fait. Verset 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Les patriarches ne pouvaient pas blâmer personne d'autre qu'eux-mêmes de leur jalousie. Les principaux sacrificateurs en Israël ne pouvaient pas blâmer personne d'autre qu'eux-mêmes pour leur jalousie envers Jésus. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Qu'est-ce qu'on voit ici? On est rendu à comploter de faire mourir Joseph. Ça, c'est la postérité de Jacob. Est-ce que ça va changer quand ils vont sortir d'Égypte? Quand ils vont être en Égypte, ils sont solidaires, hein? Parce qu'ils sont pris dans un endroit où c'est l'abondance, en fait, ils sont bénis dans les terres de Goshen. Hein, c'est vraiment une place parfaite pour eux autres et leurs troupeaux. Mais quand ils vont sortir de là, ils vont recommencer à chicaner. Ils vont commencer à douter de Dieu. Ça lâche pas, là. C'est pas long, hein? On a eu des bénédictions, mais dès que c'est en arrière, on recommence. On commence à comparer. Est-ce qu'on est différent, nous, aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Le psaume 100, au verset 3, nous dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Intéressant, c'est ce qu'on parlait ce matin. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est ça que le peuple d'Israël aurait dû dire. C'est ça que les frères de Joseph auraient dû penser. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Pourquoi jalouser quelqu'un? Pourquoi Pourquoi je veux être comme quelqu'un d'autre alors que je sais à qui j'appartiens? Mais c'est la question qui est posée ici. La vraie nature de Joseph, au verset 13, 37, 13, il est obéissant à son père. Son père l'appelle, il dit, « Me voici. » Son père l'envoie, il est envoyé en toute confiance pour faire le bien. Son père a confiance en lui. Quand il est envoyé vers ses frères, Israël dit, au verset 13, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en train de faire des mauvais coups. » C'est ce qui est écrit? « Va voir là, ce qu'ils ont fait avec mon troupeau. » « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. » C'est ça qu'il veut savoir, Jacob. Il ne veut pas savoir rien d'autre que ça. « Va voir tes frères. » Puis Joseph y va. Mais ses frères ne voient pas ça du même œil. Dans Hébreux, pas sur Hébreu 10, je pense que c'est où Jésus fait référence à un psaume où il dit « Voici, je viens, c'est toi qui m'as donné un corps. » Tu sais, c'est Jésus qui dit volontairement qu'il vient dans le monde pour faire la volonté de son Père. Je ne cite pas exactement le verset, là. Christian va le trouver. Puis, mais c'est la même chose, c'est le même esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je vais le faire. Au verset 6, dans 39, 6. Fait que il est obéissant à son père, il est envoyé en toute confiance pour faire le bien, son père a confiance en lui, il l'envoie, puis il l'envoie loin en passant, là, pour un jeune homme de cet âge-là, puis il l'envoie tout seul, parce qu'il a confiance en lui. OK? Chapitre 39, verset 6. Potiphar abandonne tout ce qu'il a aux mains de Joseph. Il vient d'arriver, là, il a 17 ans, ça prend pas trop de temps, qu'il gagne la confiance de Potiphar. Qu'est-ce que Potiphar voit que ses frères ne voyaient pas, mais que son père voyait, que Jacob voyait, mais eux ne le voient pas. C'est comme ça, hein? Mais Potiphar le voit. Ça vient juste confirmer qui est Joseph. Plus tard, au verset 22-23, dans le chapitre 39, le chef de la prison là, va faire la même affaire. Ça ne prend pas de temps qu'il va tout concéder à Joseph pour gérer la prison, tout ce qui se passe là-bas. Et on voit que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel lui donnait de la réussite. Est-ce que ça a commencé quand il est parti, ou ça a commencé dès le départ de la vie de Jacob, de Joseph? Mais c'est parce que c'est une classe à part dans un sens. C'est pas un être supérieur, Joseph, hein? Il dit d'Élie, qui est un des plus grands prophètes, qu'il était un homme semblable à nous, de la même nature que nous. Fait que, mettez pas la gloire sur Joseph, ou sur David, ou sur Moïse, ou sur Élie. Mettez la gloire sur Dieu qui a agi au travers d'eux. C'est Dieu. Mais, puis en plus, les frères de Joseph, ils ont vu les mêmes affaires que Joseph. Puis ils sont plus vieux en plus, là. On peut s'imaginer, là, « Hey, Gilles, ton... » Toi, tu as 72 à peu près. Ton frère le plus vieux, à quel âge? 85. 85. 13 ans de différence. Alors que lui, il avait 17 ans, là. Le plus vieux avait au moins 30 ans. On parle à peu près du même écart. Okay, le plus vieux avait à peu près 30 ans. Fait que là, le plus vieux qui a 30 ans, là, qui voit son jeune frère de 17 ans, puis qui le jalouse, puis qui le haït, waouh! Il y a un avertissement pour tous nous autres, hein? Mais l'Esprit de Dieu était sur lui et lui donnait de la réussite. Pourquoi les frères l'haïssent tant que ça? Puis il faut se poser la question, parce que le dernier point, c'est quoi notre application à nous, là? Mais on peut-tu aller lire 1 Corinthiens 12 ensemble? Et voir si nous, on peut être à l'écart de ce que les frères de Joseph pouvaient vivre. 1 Corinthiens 12, 7. « T'sais, on est dans une liste là où on parle des dons qui sont donnés à l'Église. Mais au verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Jésus, là, quand il va grandir chez lui de 0 à 30 ans, là, est-ce qu'il est différent de quand il commence son ministère à 30 ans? Hein? Ben, on peut-tu se permettre d'en douter, là? Il n'a commis aucune faute. Il n'a jamais péché. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec ses frères quand ses frères étaient des humains normaux comme nous autres? Comment ses frères le voyaient? On a quelques exemples, hein? Par exemple, quand à un moment donné que la mère et les frères et les sœurs de Jésus vont venir pour le chercher parce qu'ils pensent qu'il est comme fou, ça ne va pas son affaire. Puis ils viennent le chercher pour le retirer. Ou ses frères descendent à Jérusalem puis ils vont dire à Jésus, « Hey, écoute Jésus, là, si tu es pour faire des affaires en secret, là, descends à Jérusalem, ah ouais, vas-y, tu sais, fais tes affaires. » Mais c'est-tu comme genre un encouragement positif ou c'est comme genre du mépris? Vous me suivez? OK. Donc, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que les frères de Joseph ont vu que Dieu était en train de parler au travers de Joseph? Est-ce que dans les deux songes, ils ont pu voir que ça pouvait possiblement venir de Dieu? Même Jacob, là, il va le réprimander, mais après, là, il réprimande, mais après, il retient ça, là, il réfléchit à ce qu'il a entendu. Là. OK? Au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça se peut-tu que des fois, je regarde les autres puis je me trouve inférieur, je me trouve pas bon, je me trouve pas assez connaissant, assez ci, assez ça, puis que j'ai de la misère avec certaines personnes parce qu'ils sont trop ci, trop ça? Mais c'est Dieu qui donne les dons à qui il veut. Certains dons sont visibles, certains ne le sont pas. Ceux-là qui prient là, pour l'Église, ils prient en secret. Est-ce qu'on les voit prier? Il y en a qui font du service dans l'ombre. Est-ce qu'on les voit? Pas nécessairement. On est qui pour juger un ou l'autre? Autant ceux-là qu'on... dans 1 Corinthiens 12, il y a un verset qui dit « Celui qui a le moins d'honneur. » Ça fait celui-là qu'on dirait qu'il a moins reçu de Dieu, là, c'est lui qu'on va entourer du plus d'honneur. Pourquoi? Parce qu'on est tous importants. Mais ici, les frères de Joseph, là, ils ne voient pas ça. Pourtant, quand Joseph quitte chez lui et s'en va ailleurs, les autres le voient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et quand on va arriver au chapitre 41, Pharaon va l'établir sur sa maison. Ça va tout le monde? Psaume 1, 1 à 3. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire par cœur? Il est. Avec qui était Joseph quand il était jeune? Est-ce que vous vous rappelez au début du texte? Ses frères, les enfants de Léa, ne lui parlaient pas, ils n'avaient avec lui aucun lien d'amitié. Ils se tenaient avec les fils des servantes, Bilha et Zilpa. C'est avec eux autres qu'ils étaient. Les autres, là, le regardaient de haut, puis ils ne se tenaient pas avec lui. Mais inversement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et là, on va dire, Joseph était rapporteur. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il venait faire le mal ou il venait essayer d'aider à faire le bien? Il faut se poser la question. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Si on va lire Josué 1, 8 et 9. Hein? Médite la parole de Dieu jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. OK? Qu'est-ce qu'il faisait Joseph? C'est qui son focus? Quand il va demander aux gens dans le chapitre 40, je brûle le chapitre 40, mais quand il va demander aux deux personnes leurs songes, et la personne va raconter les songes et il va dire, c'est à l'Éternel de donner les explications. C'est quoi sa première réponse? Il est en prison. Puis eux, là, qui viennent le voir, là, c'est deux personnes qui sont proches de Pharaon. Prendre la coupe, la donner à Pharaon, c'est ça qu'il va dire. En 3 jours, tu vas sortir, tu vas être élevé, puis tu vas donner la coupe à Pharaon. Hey, Dieu, as-tu placé Joseph à la bonne place? Potiphar, c'est le chef des gardes de Pharaon. Là, c'est le, j'ai oublié son, les chansons, qui va donner la coupe à Pharaon. Fait que là, il dit, c'est à l'Éternel d'expliquer les rêves. Raconte-moi donc ton rêve, ton songe. Est-ce qu'il y a de l'assurance, Joseph? Parce qu'il aurait pu juste dire, c'est à l'Éternel d'expliquer les rêves, puis s'en aller. Non, non, il y a une bonne relation avec l'Éternel. C'est, raconte-moi ton songe. Et là, il donne l'explication avec assurance. Et la chose qu'il dit, elle arrive. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Dieu a placé Joseph d'une façon particulière, à un endroit particulier, pour une raison particulière? Absolument. Est-ce que Dieu peut faire ça parmi nous? OK. Alors, Joseph, c'est qui en même temps? C'est une figure prophétique. Les versets sont là, là. Mais c'est le plus aimé de son père parmi ses frères. Jésus. Le plus aimé de son père parmi ses frères. Jésus est venu et envoyé par son père vers ses frères pour leur faire du bien. Il portait une tunique de grand prix. Quelqu'un va dire, est-ce que la tunique de Jésus était d'un grand prix? Bien, c'était un morceau, un seul morceau, sans couture, sans rien. Et ça devait avoir une certaine valeur parce que les gardes vont se la partager à sa mort. Il était haï de ses frères. Il fut envoyé par son père vers ses frères. Et John MacArthur, il y a une liste un petit peu plus exhaustive que la mienne, non? Mais je voulais rester avec ceux que moi je voyais directement dans le texte, là. Mais c'est la même liste, il m'en manque, c'est ça que je veux dire. Ils complotèrent de le faire mourir, le dépouillèrent de sa tunique, le vendirent pour 20 cycles d'argent. En fait, une des choses, c'est qu'il est allé en Égypte. Il a été tenté par la femme de Potiphar. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, donc le début du ministère pour lequel il est appelé. Le ministère pour lequel il est appelé, c'est de sauver la postérité de Jacob en l'emmenant en Égypte. Fait que Dieu l'envoie le premier. Il a remis entre ses mains tout ce qui lui appartient. Pharaon, Potiphar, le chef de prison. Jacob faisait la même affaire. Il avait confiance en lui. Il l'a établi sur sa maison. Christ a été établi sur la maison de Dieu. Et tout le peuple obéira à ses ordres. Le trône seul, ça c'est Pharaon qui dit ça, le trône seul s'élèvera au-dessus de lui, qui est l'autorité au-dessus de Jésus-Christ. Dieu. Joseph, il dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça ne ressemble pas? Car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors pour nous, voici la postérité de Jacob. Quelle postérité? On est qui, nous? Dieu a promis à Abraham une grande postérité. On est qui, nous? On est la postérité d'Abraham, celle de la foi. La postérité de Jacob oublie les promesses que Dieu a faites à Jacob. Il l'oublie tout le temps. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, qu'il a répétées à Isaac, qu'il a répétées à Jacob, que Joseph va leur rappeler quand il va mourir, il va dire, « N'oubliez pas, quand vous allez rentrer dans la terre promise, d'amener mes os avec vous. » Il sait Joseph, lui. C'est clair pour lui. Les autres, ils en doutent. On vit au jour le jour, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais Joseph, non, non. Il sait ce qui va lui arriver. Une postérité qui oublie les exigences de pureté de Dieu pour son peuple, se garder à l'écart. Il va les envoyer à l'écart. Ils vont passer 400 ans dans la terre de Goshen en Égypte. Ils vont prospérer. Ils sont rentrés 75, on va voir ça dans Genèse 50, je pense, à peu près. Ils sont 75 quand ils vont rentrer en Égypte. Ils sont 600 000 hommes de pied quand ils vont sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. 600 000 hommes de pied, là, ça veut dire les gars capables de se battre. Ça veut dire qu'il reste les femmes, les enfants, les vieillards. OK? 600 000 hommes de pied. On parle de quoi, là? On parle d'un million, deux millions, là, quand ils vont sortir. Ils vont passer 40 ans dans le désert. Manque de rien. Nourris, le linge, tout, les animaux, il manque rien. Hey, ils ont tout ce qu'il faut même pour faire. Juste à regarder la tente, le tabernacle, tout ça, là. Hey, tout ce que ça apprend, là, ils l'avaient avec eux autres. Il y avait tout. Dieu a promis qu'il les enverrait là, puis qu'il les ramènerait. Puis la raison pourquoi ils envoyaient en Égypte, c'était pas pour les punir, c'était parce qu'il fallait qu'ils laissent les peuples de Canaan là, creuser dans le péché à un point tel que Dieu dit, OK, c'est beau, le compte est complet, maintenant je vous donne le territoire. Dieu est justifié de le faire, se justifie de le faire. Une postérité qui, ayant toutes ces promesses-là, se haït les uns les autres, qui se portent en vie, puis qui s'entre-déchirent. Est-ce que... pour les plus jeunes, peut-être vous n'avez pas vu ça, là, mais la multiplication des églises n'est pas basée exclusivement sur le fait qu'il y a de plus en plus de croyants puis que tout le monde est heureux d'être ensemble. Elle est souvent basée sur le fait qu'une église se divise, chicane, il y a des vies brisées, il y a des gens... Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans les églises, là, mais c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit comme un seul homme. On vient de lire dans 1 Corinthiens 12. Fait qu'on a arrêté de se regarder les uns les autres, puis de se comparer, puis de envier ce que l'autre a, mais plutôt d'apprécier ce que Dieu fait dans l'Église, puis de louer Dieu pour les dons particuliers qu'il donne à chacun, que si je ne le vois pas, là, ça ne veut pas dire que la personne n'en a pas. Mais chacun est là pour sa part, puis chacun a reçu quelque chose, chacun est là pour l'utilité commune, pas pour son propre bien, pour l'utilité commune. Cherche pas à savoir ce que toi tu vas avoir. Viens et donne ce que tu as. Dieu s'occupe du reste. C'est quoi dans nos familles? Bon, une famille qui a un enfant, c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de comparaisons à faire. Mais une famille où il y en a sept, là, où il y en a six, où il y en a quatre, et il y en a trois, hey boy! Là, c'est différent. C'est difficile de comprendre la justice. Ah, moi, je me rappelle les deux plus vieux, hein, Jonathan et Nathalie, puis après ça, c'est Geneviève 7 ans plus tard. Mais comment se fait ça que Geneviève, elle a le droit de faire ça? Nous, quand on avait son âge, on n'avait pas le droit de faire ça. Hein, ouais. C'est bizarre parce que moi, hein, quand je la regarde de mon angle, je vois trois enfants. Je vois pas l'âge. Je vois trois enfants, puis je vois que Jonathan, il n'est pas comme Nathalie, puis il n'est pas comme Geneviève, puis Geneviève n'est pas comme Nathalie, puis pas comme Jonathan. Fait que je leur donne toute mon attention. Chacun selon le besoin particulier, puis j'interviens du mieux que je peux. Mais eux autres pensaient, puis là, je le vois dans la famille de Philippe et Nathalie, là, et ils pensent qu'un a plus de privilèges que l'autre, puis ici, puis ça, mais c'est pas eux les parents. Mais c'est Dieu, c'est pareil pour nous, là. Dieu, il sait très, très bien ce qu'il fait avec chacun de nous, puis il sait où il nous amène. Mais en même temps, ils vont nous utiliser à un moment donné. Puis toutes les fois que tu t'es plaint, là, ben, tu t'es plaint pour rien parce que ce que tu as vécu, Dieu va s'en servir pour sa gloire. Fait que arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous comparer, arrêtons d'avoir envie l'un de l'autre, puis louons Dieu pour chacune des personnes qui est ici, puis pour la particularité de chacune des personnes qui est ici. Romains 12. À quoi est-ce qu'on est appelé? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est tough. C'est le temps d'écouter Édouard. Ben, je dis Édouard, là, mais c'est juste pour attirer l'attention. Alors, on est tous pognés avec ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Puis le siècle présent, là, il rentre par toutes les portes dans nos vies. Téléphone, télévision, ordinateur, à l'école, au travail... Les voisins, la famille, tous les messages, les tentations de ce monde-là sont par toutes les portes, puis ont tout l'air d'être cohérents. Même dans leur incohérence, là, tout ce que ça vise, c'est nous distraire des promesses de Dieu pour chacun de nous. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on fait ça, être transformé par le renouvellement de l'intelligence? On s'intéresse à ce que Dieu dit, on le croit, on le met en pratique. Même quand on le met mal en pratique, c'est déjà mieux que de ne pas l'essayer. Parce qu'en le mettant mal en pratique, Dieu va te montrer que pas vraiment ça que je voulais dire. Regarde, je vais te donner un autre exemple dans ta vie. Et éventuellement, on finit par le saisir. C'est vrai? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ça ne veut pas dire se mépriser là puis s'écraser. Parce que ça serait mépriser ce que Dieu a fait. Hein, David, il va dire dans le psaume, hein, « Je te loue que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. » Il ne voulait pas dire « lui, David ». Il voulait dire « lui en tant qu'être humain ». Pourquoi? Parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour apprécier qui il est, Dieu. Mais de revêtir des sentiments modestes, une juste humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Essaie pas d'être l'autre. Loue Dieu avec ce que tu as. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et bien que tu peux avoir un témoignage personnel édifiant, le témoignage de l'Église, quand elle se comporte comme le Seigneur le demande, est autrement plus édifiant. Et c'est qu'en tant que corps qu'on est appelé à briller. C'est correct qu'on fasse des œuvres dans le monde, là. C'est bien correct qu'on envoie de l'argent, qu'on aide quelqu'un, tout ça. Mais l'amour qu'on a les uns pour les autres, là, sans limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement entre nous, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de rien qui nous sépare, ça, c'est tellement palpable que le monde, quand il voit ça, là, ça les jette à terre. Oui. Attends une seconde. Mathias s'en vient de voir. Vas-y. Je disais quasiment pas. Une phrase, c'est au moins 3-4 sacs. Puis maintenant, il essaie de sacrer, non. C'est pas chaque peu. C'est Dieu qui fait ça. Oui, c'est Dieu qui a apporté le bénin. A aucune raison de sacrer. Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça ne donne rien d'ajouter quelque chose après ça. Pas besoin de sacrer. C'est ça, j'ai compris. C'est bon. Amen. Ok, et mon dernier verset, merci Mathieu, mon dernier verset dans Jean 17, et c'est à ça qu'on est appelé. Jésus parle à son Père et il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il parle de nous. « Il nous a donné la gloire qu'il a donnée à Jésus, afin que nous soyons un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. » Okay, je vais le lire comme il est écrit. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Hein? C'est ça qu'on étudie depuis le début de l'école du dimanche. Là. C'est la même personne, avec des attributs qui sont les mêmes, mais avec un rôle qui est différent pour chacun d'eux. Mais c'est la même personne, trois personnes différentes qui forment une personne. C'est à ça que nous on est appelés. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Au lieu de convoiter ce que Gilles a, j'essaie de travailler avec ce que Gilles a. Au lieu de convoiter ce que Roger a, je suis bien content qu'il joue de la guitare et qu'il chante bien, parce que moi, c'est pas mon dada du tout. C'est juste un exemple, là. Mais ensemble, on peut faire des grandes choses. Moi en eux, ça c'est Jésus qui dit, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ça notre mandat. On n'a aucune raison de s'envier quoi que ce soit, ou de se penser au-dessus d'eux, ou de mépriser. Aucune raison. aucune. Même chose dans la maison. Les enfants, quand ils grandissent, là, ils cherchent leur place, tout ça, c'est normal. Mais quand ils vont être grands, là, ils vont tous avoir le même âge. C'est drôle à dire, hein? Mais quand tu as 30 ans puis 40 ans, là, pas une grande différence. Dans la tante Jen, je parle à mes petits-enfants, là. Geneviève, là, eux autres, quand Geneviève était petite, là, elle voyait Nathalie puis son frère, j'entends comme, hey, eux autres, ils sont parvenus, puis moi, je suis rien. Puis des fois, elle se faisait brasser comme si elle était une poupée.